Les Liaisons dangereuses de Pierre Chauderlos de Laclos, adaptation Lise Charles. Sixième épisode. Valmont, en même temps qu'il s'emploie à conquérir Madame de Tourvel, veut séduire Cécile. Il lui a demandé de lui remettre la clé de sa chambre sous prétexte de l'aider à correspondre avec Danceny. Cécile, prise de peur, a refusé, ce que Valmont a rapporté à Danceny. Lettre 92. Le chevalier Danceny au vicomte de Valmont, ce 27 septembre. Oh mon ami, votre lettre m'a glacé d'effroi. Cécile. Oh Dieu, est-il possible? Cécile ne m'aime plus. Oui, je vois cette affreuse vérité à travers le voile dont votre amitié l'entoure. Que vous a-t-elle dit? Me fait-elle quelques reproches? J'aurais dû prévoir ce changement par les difficultés que, depuis un temps, elle trouve à tout. L'amour ne connaît pas tant d'obstacles. Quelle partie dois-je prendre? Que me conseillez-vous? L'absence est si cruelle, si funeste. Je vais lui écrire. Je me contiendrai, je lui demanderai seulement de s'en remettre entièrement à vous. Vous, mon cher ami, je vous fais mille excuses. Adieu, je vais écrire tout de suite. Continuez-moi vos soins et plaignez-moi beaucoup. Lettre 93, le chevalier Danceny à Cécile Volanges, ce 27 septembre. Je ne puis vous dissimuler combien j'ai été affligé en apprenant de Valmont le peu de confiance que vous continuez à avoir en lui. Je n'ose soupçonner votre amour, sans doute aussi vous n'oseriez trahir le mien. Ah, Cécile, il est donc vrai que vous avez refusé un moyen de me voir? C'est ainsi que vous aimez? Une si courte absence a bien changé vos sentiments. Dites-moi donc, votre cœur m'est-il fermé sans retour? M'avez-vous entièrement oublié? Non, je ne croirai plus à l'amour, à la bonne foi. Eh, qui peut-on croire si Cécile m'a trompé? Cécile, Cécile, ayez pitié de moi. Consentez à me voir, prenez-en tous les moyens. Voyez ce que produit l'absence. Des craintes, des soupçons, peut-être de la froideur. Cécile, j'attends du premier mot que vous prononcerez le retour du bonheur ou la certitude d'un désespoir éternel. Lettre 95. Cécile Volanges au vicomte de Valmont, ce 28 septembre. Je vous prie, monsieur, de vouloir bien avoir la bonté de me remettre cette clé que vous m'aviez donnée pour mettre à la place de l'autre. Puisque tout le monde le veut, il faut bien que j'y consente aussi. Je ne sais pas pourquoi vous avez mandé à monsieur Danceny que je ne l'aimais plus. Je ne crois pas vous avoir jamais donné lieu de le penser, et cela lui a fait bien de la peine, et à moi aussi. Je sais bien que vous êtes son ami, mais ce n'est pas une raison pour le chagriner, ni moi non plus. Vous me feriez bien plaisir de lui demander le contraire la première fois que vous lui écrirez et que vous en êtes sûr. Car c'est en vous qu'il a le plus de confiance. Et moi, quand j'ai dit une chose et qu'on ne la croit pas, je ne sais plus comment faire. Et puis, quand une fois vous aurez la bonne clé, vous aurez bien la bonté de vous en servir aussi pour prendre mes lettres. Et comme cela, M. Danceny aura plus souvent de mes nouvelles. Il est vrai que ce sera bien plus commode qu'à présent. Mais c'est que d'abord, cela m'a fait trop peur. Je vous prie de m'excuser. Et j'espère que vous n'en continuerez pas moins à être aussi complaisant que par le passé. J'en serai aussi toujours bien reconnaissante. J'ai l'honneur d'être, monsieur, votre très humble et très obéissante servante. Lettre 96. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil, ce 1er octobre. Je ne doute pas que vous n'ayez pris un peu d'humeur de mon long silence, mais que voulez-vous? J'ai toujours pensé que quand il n'y a plus que des louanges à donner à une femme, on pouvait s'en reposer sur elle et s'occuper d'autre chose. Aujourd'hui, ce n'est pas de Madame de Tourvel que je veux vous parler. Sa marche trop lente vous déplaît. Vous n'aimez que les affaires faites. Les scènes filées vous ennuient. Et moi, jamais je n'avais goûté le plaisir que j'éprouve dans ces lenteurs prétendues. Oui, j'aime à voir, à considérer cette femme prudente, engagée, sans s'en être aperçue, dans un sentier qui ne permet plus de retour, et dont la pente rapide et dangereuse l'entraîne malgré elle et la force à me suivre. Là, effrayée du péril qu'elle court, elle voudrait s'arrêter et ne peut se retenir. Ses soins peuvent bien rendre ses pas moins grands, mais il faut qu'ils se succèdent. Mais j'oublie, en vous parlant d'elle, que je ne voulais pas vous en parler. Je ne sais quelle puissance m'y attache, m'y ramène sans cesse, même alors que je l'outrage. Écartons sa dangereuse idée, que je redevienne moi-même pour traiter un sujet plus gai. Il s'agit de votre pupille, à présent devenue la mienne, et j'espère qu'ici vous allez me reconnaître. Depuis quelques jours, mieux traité par ma tendre dévote, et par conséquent moins occupé d'elle, j'avais remarqué que la petite Volange était en effet fort jolie. Il me parut juste aussi de me payer des soins que je me donnais pour elle. La jolie mine de la petite personne, sa bouche si fraîche, son air enfantin, sa gaucherie même, fortifiaient ses sages réflexions. Je résolus d'agir en conséquence, et le succès a couronné l'entreprise. Après m'être assuré que tout était tranquille dans le château, j'ai rendu ma première visite à votre pupille. Elle était dans son premier sommeil, et je suis arrivé jusqu'à son lit sans qu'elle se soit réveillée. J'ai d'abord été tenté d'aller plus avant et d'essayer de passer pour un songe. Mais craignant l'effet de la surprise, j'ai préféré d'éveiller avec précaution la jolie dormeuse. Après avoir calmé ses premières craintes, comme je n'étais pas venu là pour causer, j'ai risqué quelques libertés. Sans doute on ne lui a pas bien appris dans son couvent à combien de périls divers est exposée la timide innocence, car portant toute son attention, toutes ses forces à se défendre d'un baiser qui n'était qu'une fausse attaque, tout le reste était laissé sans défense. Le moyen de n'en pas profiter. J'ai donc changé ma marche et sur le champ, j'ai pris poste. Ici, nous avons pensé être perdus tous deux. La petite fille, tout effarouchée, a voulu crier de bonne foi. Heureusement, sa voix s'est éteinte dans les pleurs. Elle s'était jetée aussi au cordon de sa sonnette. Mais mon adresse a retenu son bras à temps. La jeune personne, tout en se désolant, sentait qu'il fallait prendre un parti et entrer en composition. Les prières me trouvant inexorable, il a fallu passer aux offres. J'ai tout promis pour un baiser. Il est vrai que le baiser pris, je n'ai pas tenu ma promesse, mais j'avais de bonnes raisons. Étions-nous convenus qu'il serait pris ou donné? À force de marchander, nous sommes tombés d'accord pour un second. Et celui-là, il était dit qu'il serait reçu. Alors, ayant guidé ses bras timides autour de mon corps et la pressant de l'un des miens plus amoureusement, le doux baiser a été reçu, en effet, mais bien, mais parfaitement reçu. Tellement, enfin, que l'amour n'aurait pas pu mieux faire. Tant de bonne foi méritait récompense. Aussi ai-je aussitôt accordé la demande. La main s'est retirée. Mais je ne sais par quel hasard je me suis trouvé moi-même à sa place. Eh bien, sans autre soin, la tendre amoureuse, oubliant ses serments, a cédé d'abord et finit même par consentir. Non pas qu'après ce premier moment, les reproches et les larmes ne soient revenus de concert. J'ignore s'ils étaient vrais ou feints. Mais comme il arrive toujours, ils ont cessé dès que je me suis occupé à y donner lieu de nouveau. Enfin, de faiblesse en reproche et de reproche en faiblesse, nous ne nous sommes séparés que satisfaits l'un de l'autre et également d'accord pour le rendez-vous de ce soir. Je ne me suis retiré chez moi qu'au point du jour et j'étais rendu de fatigue et de sommeil. Cependant, j'ai sacrifié l'une et l'autre au désir de me trouver ce matin au déjeuner. J'aime de passion les mines de lendemain. Vous n'avez pas d'idée de celle-ci. C'était un embarras dans le maintien, une difficulté dans la marche, des yeux toujours baissés et si gros et si battus. Cette figure si ronde s'était tant allongée. Et pour la première fois, sa mère, alarmée de ce changement extrême, lui témoignait un intérêt assez tendre. Et la présidente aussi, qui s'empressait autour d'elle. Rien n'était si plaisant. Adieu, ma belle amie. Thank you. Lettre 97. Cécile Volanges à la marquise de Merteuil, ce 1er octobre. Ah, mon Dieu, madame, que je suis malheureuse. Qui me consolera dans ma peine? Qui me conseillera dans l'embarras où je me trouve? Ce monsieur de Valmont et Danceny. Non, l'idée de Danceny me met au désespoir. Comment vous raconter? Comment osez-vous dire? Je ne sais comment faire. Cependant, mon cœur est plein. Il faut que je parle à quelqu'un et vous êtes la seule à qui j'ose me confier. Vous avez tant de bonté pour moi. Vous saurez donc que M. de Valmont, qui m'a remis jusqu'à présent les lettres de M. Danceny, a trouvé tout d'un coup que c'était trop difficile. Il a voulu avoir une clé de ma chambre. Je puis bien vous assurer que je ne voulais pas. Il a été en écrire à Danceny. Et Danceny l'a voulu aussi. Et moi, j'ai fini par y consentir. Je ne prévoyais pas le malheur qui en arriverait. Hier, M. de Valmont s'est servi de cette clé pour venir dans ma chambre, comme j'étais endormie. Il m'a fait bien peur en me réveillant, mais comme il m'a parlé tout de suite, je l'ai reconnu et je n'ai pas crié. Et puis l'idée m'est venue d'abord qu'il apportait une lettre de Danceny. C'en était bien loin. Un petit moment après, il a voulu m'embrasser. Et pendant que je me défendais, il a si bien fait que je n'aurais pas voulu pour toute chose au monde. Mais lui voulait un baiser auparavant. Il a bien fallu, car comment faire? D'autant que j'avais essayé d'appeler. Mais outre que je n'ai pas pu, il a bien su me dire que s'il venait quelqu'un, il saurait bien rejeter toute la faute sur moi. Ensuite, il ne s'est pas retiré davantage, il en a voulu un second. Et celui-là, je ne savais pas ce qui en était. Mais il m'a toute troublée. Et après, c'était encore pire qu'auparavant. Oh, par exemple, c'est bien mal ça. Enfin, après, vous m'exempterez bien de dire le reste. Mais je suis malheureuse autant qu'on peut l'être. Ce que je me reproche le plus, et dont il faut pourtant que je vous parle, c'est que j'ai peur de ne m'être pas défendue autant que je le pouvais. Je ne sais pas comment cela se faisait. Sûrement, je n'aime pas M. de Valmont, bien au contraire. Et il y avait des moments où j'étais comme si je l'aimais. Vous jugez bien que ça ne m'empêchait pas de lui dire toujours que non. Mais je sentais bien que je ne faisais pas comme je disais. Et ça, c'était comme malgré moi. Et puis, aussi, j'étais bien troublée. Il est vrai que ce monsieur de Valmont a des façons de dire qu'on ne sait pas comment faire pour lui répondre. Enfin, croiriez-vous que quand il s'en est allé, j'en étais comme fâchée et que j'ai eu la faiblesse de consentir qu'il revînt ce soir. Ça me désole encore plus que tout le reste. Je vous en supplie, madame, dites-moi ce que je dois faire. Je n'ai le courage de songer à rien et je ne fais que m'affliger. Je n'ose pas signer cette lettre. Lettre 98. Madame de Volanges à la marquise de Merteuil, ce 2 octobre. Il y a bien peu de jours, ma charmante amie, que c'était vous qui me demandiez des consolations et des conseils. Aujourd'hui, c'est mon tour, et je vous fais pour moi la même demande que vous me faisiez pour vous. C'est ma fille qui cause mon inquiétude. Depuis mon départ, je l'avais bien vue toujours triste et chagrine, mais je m'y attendais, et j'avais armé mon cœur d'une sévérité que je jugeais nécessaire. J'espérais que l'absence, les distractions détruiraient bientôt un amour que je regardais plutôt comme une erreur de l'enfance que comme une véritable passion. Cependant, loin d'avoir rien gagné depuis mon séjour ici, je m'aperçois que cet enfant se livre de plus en plus à une mélancolie dangereuse, et je crains tout de bon que sa santé ne s'altère, particulièrement depuis quelques jours. Elle change à vue d'œil. Hier, sur la simple demande que je lui fis si elle était malade, elle se précipita dans mes bras en me disant qu'elle était bien malheureuse. Quel parti prendre si cela dure? Ferais-je le malheur de ma fille? Tournerais-je contre elle les qualités les plus précieuses de l'âme, la sensibilité et la constance? Quel usage à faire de l'autorité maternelle que de placer sa fille entre le crime et le malheur? Je crois donc que je vais prendre le parti le plus sage de retirer la parole que j'ai donnée à M. de Gercourt. Vous venez d'en voir les raisons. Elles me paraissent devoir l'emporter sur ma promesse. Je dis plus. Dans l'état où sont les choses, remplir mon engagement, ce serait véritablement le violer. Car enfin, si je dois à ma fille de ne pas livrer son secret à monsieur de Gercourt, je dois au moins à celui-ci de ne pas abuser de l'ignorance où je le laisse. Ces réflexions m'alarment plus que je ne puis vous dire. Au malheur qu'elles me font redouter, je compare ma fille, heureuse avec l'époux que son cœur a choisi, ne connaissant ses devoirs que par la douceur qu'elle trouve à les remplir. Mon gendre, également satisfait et se félicitant chaque jour de son choix. L'espoir d'un avenir si doux doit-il être sacrifié à de vaines considérations? Et quelles sont celles qui me retiennent? Uniquement des vues d'intérêt. Je conviens que M. de Gercourt est un parti meilleur, peut-être, que je ne pouvais l'espérer pour ma fille. J'avoue même que j'ai été extrêmement flattée du choix qu'il a fait d'elle. Mais enfin, Danceny est d'une aussi bonne maison que lui, il ne lui cède en rien pour les qualités personnelles. Il a sur M. de Gercourt l'avantage d'aimer et d'être aimé. Il n'est pas riche à la vérité, mais ma fille ne l'est-elle pas assez pour eux deux? Ah, pourquoi lui ravir la satisfaction si douce d'enrichir ce qu'elle aime? Ces mariages qu'on calcule au lieu de les assortir, qu'on appelle de convenance, et où tout se convient en effet hors les goûts et les caractères, ne sont-ils pas la source la plus féconde de ces éclats scandaleux qui deviennent tous les jours plus fréquents? J'aime mieux différer. Au moins, j'aurai le temps d'étudier ma fille que je ne connais pas. Voilà, ma chère amie, les idées qui me tourmentent et sur quoi je réclame vos conseils. Lettre 99. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil, ce 2 octobre au soir. Encore de petits événements, ma belle amie, mais des scènes seulement, point d'action. Ainsi armez-vous de patience, prenez-en même beaucoup, car tandis que ma présidente marche à si petits pas, votre pupille recule, et c'est bien pis encore. Eh bien, j'ai le bon esprit de m'amuser de ces misères-là. Véritablement, je m'accoutume fort bien à mon séjour ici, et je puis dire que dans le triste château de ma vieille tante, je n'ai pas éprouvé un moment d'ennui. Au fait, n'y ai-je pas jouissance, privation, espoir, incertitude? Qu'a-t-on de plus sur un plus grand théâtre? Des spectateurs? Eh, laissez faire, ils ne manqueront pas. S'ils ne me voient pas à l'ouvrage, je leur montrerai ma besogne faite. Ils n'auront plus qu'à admirer et applaudir. Oui, ils applaudiront, car je puis enfin prédire avec certitude le moment de la chute de mon austère dévote. J'ai assisté ce soir à l'agonie de la vertu. C'est ce soir même que s'est passée entre Madame de Tourvel et moi la scène dont j'ai à vous rendre compte, et j'en conserve encore quelques émotions. Il y a déjà quelques jours que nous sommes d'accord sur nos sentiments. Nous ne disputons plus que sur les mots. C'était toujours, à la vérité, son amitié qui répondait à mon amour. Mais ce langage de convention ne changeait pas le fond des choses. Déjà même, il n'était plus question de m'éloigner comme elle le voulait d'abord. Et pour les entretiens que nous avons journellement, si je mets mes soins à lui en offrir l'occasion, elle met les siens à la saisir. Comme c'est ordinairement à la promenade que se passent nos petits rendez-vous, le temps affreux qu'il a fait tout aujourd'hui ne m'en laissait rien espérer. Ne pouvant pas se promener, on s'est mis à jouer en sortant de table. Et comme je joue peu, j'ai pris ce temps pour monter chez moi, sans autre projet que d'y attendre à peu près la fin de la partie. Je retournais joindre le cercle, quand j'ai trouvé la charmante femme qui entrait dans son appartement et qui, soit imprudence ou faiblesse, m'a dit de sa douce voix « Où allez-vous donc? Il n'y a personne au salon ?» Il ne m'en a pas fallu davantage, comme vous pouvez croire, pour essayer d'entrer chez elle. J'y ai trouvé moins de résistance que je ne m'y attendais. À peine avons-nous été établis que j'ai parlé de mon amour à mon ami. Sa première réponse, quoique simple, m'a paru assez expressive. « Oh, tenez, m'a-t-elle dit, ne parlons pas de cela ici. » Et elle tremblait. La pauvre femme, elle se voit mourir. Ce refus ne me fâchait plus, il m'affligeait. Ma sensible amie ne me devait-elle pas quelque consolation? Tout en me consolant, Une main était restée dans la mienne. Le joli corps était appuyé sur mon bras et nous étions extrêmement rapprochés. La prudence m'était d'autant plus nécessaire que j'avais surtout à redouter l'effroi que cet oubli d'elle-même ne manquerait pas de causer à ma tendre rêveuse. Aussi cet aveu que je demandais, je n'exigeais pas même qu'il fût prononcé. Un regard pouvait suffire, un seul regard, et j'étais heureux. Ma belle amie, les beaux yeux se sont en effet levés sur moi. La bouche céleste a même prononcé « Eh bien, oui, je... » Mais tout à coup, le regard s'est éteint, la voix a manqué, et cette femme adorable est tombée dans mes bras. À peine avais-je eu le temps de l'y recevoir, que se dégageant avec une force convulsive, la vue égarée et les mains élevées vers le ciel, « Dieu, oh mon Dieu, sauvez-moi » s'est-elle écriée. Et sur le champ, plus prompte que l'éclair, elle était à genoux à 10 pas de moi. Je l'entendais prête à suffoquer. Je me suis avancé pour la secourir, mais elle, prenant mes mains qu'elle baignait de pleurs, quelquefois même embrassant mes genoux, « Oui, ce sera vous, disait-elle, ce sera vous qui me sauverez. Vous ne voulez pas ma mort, laissez-moi, au nom de Dieu, laissez-moi. » Et ses discours peu suivis s'échappaient à peine à travers des sanglots redoublés. Cependant, elle me tenait avec une force qui ne m'aurait pas permis de m'éloigner. Alors, rassemblant les miennes, je les soulevai dans mes bras. Au même instant, les pleurs ont cessé. Elle ne parlait plus. Tous ses membres se sont raidis, et de violentes convulsions ont succédé à cet orage. J'étais, je l'avoue, vivement ému. Après lui avoir donné quelques secours, je l'ai laissée comme elle m'en priait, et je m'en félicite. Déjà, j'en ai presque reçu le prix. Vers les 8 heures, elle est descendue au salon et a seulement annoncé au cercle qu'elle s'était trouvée fort incommodée. Sa figure était abattue, sa voix faible et son maintien composé, mais son regard était doux et souvent il s'est fixé sur moi. Je parierais qu'à présent, elle est enchantée d'en être là. Tous les frais sont faits, il ne reste plus qu'à jouir. Peut-être, pendant que je vous écris, s'occupe-t-elle déjà de cette douce idée. Je m'attends bien, par exemple, qu'il y aura quelque façon pour l'accorder, mais bon, le premier pas franchi, ces prudes austères savent-elles s'arrêter? Leur amour est une véritable explosion. La résistance y donne plus de force. Ma farouche dévote courrait après moi si je cessais de courir après elle. Enfin, ma belle amie, incessamment j'arriverai chez vous pour vous sommer de votre parole. Vous n'avez pas oublié sans doute ce que vous m'avez promis après le succès. Savez-vous que voilà plus de 2 mois que cette aventure m'occupe? Oui, 2 mois et 3 jours. Il est vrai que je compte demain, puisqu'elle ne sera véritablement consommée qu'alors. Adieu, ma belle amie. Il faut vous quitter, car il est fort tard. C'était « Les liaisons dangereuses » de Pierre Chauderlot de Laclos, adaptation Lise Charles. 6e épisode avec Élodie Hubert, Cécile Volange, Gabriel Dufay, le vicomte de Valmont, Evelyne Guimara, Madame de Volange, Lorenzo Lefebvre, le chevalier d'Anceny. Violoncelle baroque et arrangement, Lisa Herbès. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Équipe de réalisation, Claude Niort, Bastien Varigaud, Félix Levaché, Jean-Mathieu Zande.